C'est pas la meilleure place pour être agriculteur, là, ces coins-là. Puis même, il y a les enfants des colonisateurs, il y en a qui étaient en carence, qui étaient en carence parce que les légumes produits par la terre n'étaient pas assez nourrissants, n'étaient pas assez riches. Donc, c'est normal que les. Mais vous savez pourquoi ça a été colonisé, puis que les agriculteurs qui ont défriché, puis tout. Au fond, on s'est servi de la colonisation pour défricher le terrain. Ensuite, c'est des compagnies qui. Et c'est ça. Parce que la vraie ressource ici, c'est les mines, puis la forêt. Mais les terres, c'était une forêt boréale qu'il y avait sur ces terres-là. La terre, c'est du gombo. C'est pas extraordinaire là, pour que la culture pas plus tant d'ensoleillement par année. Donc, souvent, ce détail avait été défriché parce qu'à main nue, là. Le piège, comme dans le temps de Duplessis. Un royaume vous attend. Un royaume vous attend. Ah, en tout cas, je sais que je pourrais avoir jasé avec des gens qui avaient été colonisateurs puis qui avaient défriché. C'était souvent avec des chevaux, avec des chaînes, là. Puis souvent, les chevaux travaillaient jusqu'à mourir. Vraiment épouvantable. Il y a des coins, là. C'était des cabanes, là. Les maisons, là. Parce que il y avait un contrat, il fallait défricher la terre en tant que temps, puis il fallait vous construisiez votre maison. C'était des cabanes en papier brique, là, que souvent, il fallait aller pomper l'eau à l'extérieur, puis. En tout cas, souvent, il y avait une chambre. Puis toute la famille dormait ensemble à cause pour la chaleur, pour pas mourir de froid pendant la nuit. Puis même, il y en a, ils allaient chercher les animaux dans les bâtiments, puis les rentraient dans les maisons pour chauffer la maison. Les truies, là, les petits poêles, là, ça fournissait pas, là, même si vous aviez un gros poêle. Là. Mais là, c'est sûr, il y avait dans le temps des hivers. Puis ils ventent, c'est des coins que c'est plat, hein. Donc, c'est pour ça que ça me met tellement en colère ce qui est en train de se passer, c'est-à-dire que les Canadiens français sont en train de perdre ce qu'ils ont construit. Ça a coûté tellement d'efforts. Ça a été tellement dur. C'est un tour de force, là, ce qu'on a fait. Même ces coins-là, même les Autochtones ne restaient pas l'hiver. Ils partaient vers le sud, comme les oiseaux migrateurs. Puis il y a des gens qui se sont établis à l'année sur ces terres-là. C'est de la Sibérie, là. Ça a coûté tellement cher en effort, en vie humaine, en sang et en sueur qu'on n'a pas le droit. On n'a pas le droit d'abandonner l'occupation du territoire. On n'a pas le droit d'abandonner. Il y a quelque chose. Moi, ça me décourage de voir. Je vois de plus en plus de gens dire, on n'a pas eu d'enfants pour des raisons. Il se trouve des défaites idéologiques. Puis, non, non, il y a quelque chose qui ne fonctionne pas, là. On a perdu la lucidité du gros bon sens puis de la vie, des forces de vie.